Chapitre 64e. Dans la soirée de ce jour où devait se signer le double contrat de mariage, M. Bouffard, le propriétaire de la maison où demeurait Herminie, sa pianiste, ainsi qu'il disait possessivement depuis que la jeune fille donnait des leçons à Mademoiselle Cornelia, M. Bouffard était venu, après son dîner, faire, selon l'expression de ce digne représentant du pays légal, sa ronde major, car les chances du terme d'octobre approchaient. Il était environ 6h30 du soir. M. Bouffard, assis familièrement dans la loge de Madame Mouflon, sa portière, s'enquérait d'elle si les différents locataires flairaient bon aux approches du terme, en argot de propriétaire, si les locataires n'avaient pas l'air inquiets à mesure que le moment de la fatale échéance approchait. « Mais non, M. Bouffard, disait Madame Mouflon, il ne flaire pas trop mauvais, il n'y a que le petit troisième. »« Eh bien, le petit troisième, dit M. Bouffard avec inquiétude. En emménageant ici il y a 3 mois, il était grossier comme pain d'orge, et à mesure que le terme approche, il devient pour moi d'un poli, mais d'un poli dégoûtant. Il faut me surveiller, ce gaillard-là, et d'un bon œil, mère Mouflon, c'est suspect. Ah, quel dommage que ce beau jeune homme, qui avait payé le terme de ma pianiste, n'ait pas voulu y mordre à ce petit troisième. Ce n'est pas lui qui... » M. Bouffard n'acheva pas. Soudain, 2 ou 3 coups de marteau retentirent si bruyamment à la porte cochère que Madame Mouflon et son maître bondirent sur leurs chaises. « Ah, par exemple, dit M. Bouffard, voilà qui est frappé comme je n'oserais pas frapper moi-même, propriétaire de ma maison. Voyons donc un peu voir quel est ce sans-gêne, ajouta M. Bouffard en s'avançant sur le seuil de la porte de la loge pendant que la portière tirait le cordon. « Porte, s'il vous plaît, cria une voix de stentor. Et refermant sur lui le ventail, l'homme à la voix de stentor sembla annoncer ainsi qu'il fallait ouvrir les 2 battants de la porte cochère pour donner entrée à une voiture. M. Bouffard et sa portière, stupéfaits de cette innovation, restaient immobiles et béants lorsqu'ils virent sortir de la pénombre de la voûte un valet de pied poudré à blanc, de la taille d'un tambour-major et portant une grande livrée bleu clair et jonquille galonnée d'argent. « Allons donc, vite, la porte !» dit brusquement le géant galonné. M. Bouffard fut si saisi qu'il salua le grand laquais. Celui-ci reprit. « Ah ça, finirez-vous par ouvrir votre porte? C'est embêtant, la fin. Le prince attend. »« Le prince ?» s'écria M. Bouffard sans bouger de place. Et il salua de nouveau, et plus profondément encore, le grand laquais. À ce moment, un autre coup de marteau, non moins impérieux, retentit. Madame Mouflon tira le cordon par un mouvement automatique, comme elle le tirait en dormant, et une nouvelle voix cria du fond de la voûte « Porte, s'il vous plaît !» Puis un autre valet de pied, portant celui-là livrée verte et amarrante à galons d'or, se dirigea vers la loge devant laquelle il reconnut un confrère, car il lui dit « Tiens, Lorrain, c'est toi. Je viens de voir la voiture de ton maître. Eh bien, on n'ouvre pas. Ah ça, les portiers et les portières sont donc empaillés ici. C'est vrai, on dirait qu'ils ont des yeux de verre. Regarde-les donc, ils ne bougent pas. » « Ah bon ? » dit l'autre laquais. « C'est Madame la Duchesse qui ne va pas s'impatienter. Elle qui en a de la patience. »« Madame la Duchesse ?» dit M. Bouffard de plus en plus effaré, mais toujours immobile. « Ah ça, tonnerre de Dieu, ouvrirez-vous à la fin ?» dit un des laquais. « Mais, monsieur, chez qui allez-vous d'abord ?» reprit M. Bouffard, sortant de sa stupeur. « Qui demandez-vous ? » « Mademoiselle Herminie. » dit le grand laquais avec une sorte de déférence pour la personne que son maître venait visiter. « Oui, mademoiselle Herminie, » reprit l'autre. « La petite porte, sous la voûte à main gauche, » reprit la portière de plus en plus ébahie, « je vais ouvrir. » « Un prince, une duchesse, chez ma pianiste ?» s'écria M. Bouffard. Bientôt de nouveaux coups de marteau, presque furieux cette fois, se firent entendre. Madame Mouflon tira le cordon, et un balai de pied à livrée brune, à collet bleu de ciel, vint compléter cet encombrement de laquais en criant « Ah ça, on est donc sourd ou mort ici? La porte donc, la porte !» M. Bouffard éperdu prit un parti héroïque. Pendant que la portière se préparait à annoncer chez Herminie ses aristocratiques visiteurs, l'ex-épicier se décida à aller ouvrir les 2 battants de la porte cochère, et il n'eut que le temps de se coller contre le mur pour n'être pas atteint par les larges poitrails de 2 grands et superbes chevaux gris, attelés à un élégant coupé bleu qui entrèrent impétueusement et qui, habilement menés par un gros cocher à perruque, s'arrêtèrent court à un signe d'un des valets de pied postés devant la porte d'Herminie. Un petit bossu et un gros homme, tous deux vêtus de noir, descendirent de cette étincelante voiture et Madame Mouflon s'empressa d'aller annoncer à la pianiste de M. Bouffard « Monsieur le prince-duc de Haumartel, Monsieur le roi notaire. » À peine la première voiture était-elle sortie de la cour qu'une très belle berline, largement armoriée, y entra. Deux femmes et un jeune homme descendirent de cette voiture, et Madame Mouflon, qui se croyait somnambule, annonça de nouveau à la pianiste de M. Bouffard « Madame la duchesse de Senneterre, Mademoiselle Berthe de Senneterre, Monsieur le duc de Senneterre. » Un élégant brougham ayant succédé aux deux premières voitures, un autre personnage en descendit, et Madame Mouflon annonça « Monsieur le baron de la Roche-Aiguë. » Puis enfin, quelques minutes après, la portière introduisit chez Herminie des personnes moins aristocratiques. « Monsieur le commandant Bernard, Monsieur Olivier Raymond, Mademoiselle Ernestine Verpuis, Madame l'aînée. » Ces deux dernières personnes étaient venues modestement en fiacre. Après quoi, Madame Mouflon rejoignit son maître, qui, suant à grosses gouttes, tant sa curiosité était vivement excitée, se promenait de long en large sous la voûte de sa porte cochère, se disant « mon Dieu, que peuvent donc venir faire chez ma pianiste ces grands seigneurs et ces grandes dames? Qu'en pensez-vous, mère Mouflon ?»« Monsieur, moi, d'abord, je suis si ahuri que j'y vois 36 chandelles. Je crains un coup de sang, et je vais me flanquer la tête dans le baquet de ma fontaine pour me remettre. En usez-vous ?»« J'y suis !» s'écria l'ex-épicier triomphant. « C'est un concert. Ma pianiste donne un concert. » « Ah bien oui, » dit la portière. « La dernière fois que j'ai annoncé, j'ai vu que les dames avaient déposé leur mantelet sur le piano, qui était bien fermé, ma foi, et que tout le monde était rangé en rang d'oignon, tandis que le notaire... »« Quel notaire? Il y a un notaire ?»« Oui, monsieur, et un superbe encore, un gros forum. Il a deux fois du ventre comme vous, même que je l'ai annoncé, monsieur le roi, notaire. Il est assis devant la table à Mademoiselle Herminie avec des papiers devant lui et une bougie de chaque côté comme un joueur de gobelet. C'en est peut-être un, s'écria M. Bouffard, ou bien un tireur de cartes. Mais puisque je vous dis, monsieur, que je l'ai annoncé comme notaire. C'est vrai, dit le représentant du pays légal en se rongeant les ongles. C'est vrai. Enfin, n'importe, je reste là tout le temps et peut-être attraperai-je quelque chose au passage lorsque le monde sortira. Et M. Bouffard se mit à croiser de long en large devant la loge de la portière. Jamais, comme on le pense bien, plus brillante réunion n'avait été rassemblée dans la modeste petite chambre d'Herminie. La jeune fille jouissait d'un bonheur bien grand en contemplant ce dénouement inespéré d'un amour traversé par tant d'épreuves. Mais ce qui causa l'émotion la plus ineffable fut de recevoir chez elle Mademoiselle Berthe de Senneterre, la sœur de Gérald, la fille aînée de la duchesse. « Ah, madame !» lui dit Herminie d'une voix pénétrée et les yeux baignés de douces larmes. Car elle comprenait la délicatesse exquise du procédé de la mère de Gérald. Celle-ci pouvait-elle offrir une réparation plus évidente de ses dures paroles de la veille qu'en amenant sa fille chez Herminie ?« Ah, madame !» reprit donc la jeune artiste. « Voir ici Mademoiselle de Senneterre, c'eût été mon plus vif désir, si j'avais osé espérer cet honneur. » Berthe prend trop de part au bonheur de son frère pour n'avoir pas voulu être une des premières à complimenter sa chère belle-sœur, répondit Madame de Senneterre du ton le plus affectueux. Puis, Mademoiselle de Senneterre, ravissante personne car elle ressemblait beaucoup à Gérald, dit à Herminie avec une amabilité charmante. « Oui, mademoiselle, je tenais à être la première à vous complimenter car mon frère est bien heureux. Et je le sais, je le vois. » Il a mille raisons de l'être. Je voudrais, mademoiselle, être plus digne encore d'offrir à Monsieur de Senneterre le seul bonheur de famille qui lui manque, répondit Herminie. Et pendant que les deux jeunes filles, continuant d'échanger d'affectueuses paroles, prolongeaient cette petite scène, durant laquelle Herminie faisait preuve d'un tact parfait, d'une rare distinction de manière et d'une dignité remplie de grâce et de modestie, le bossu, de plus en plus ravi de sa fille adoptive, dit tout bas à Madame de Senneterre en lui montrant d'un coup d'œil la jeune artiste. « Eh bien, voyons, franchement, est-il possible d'être mieux en toutes circonstances ?»« C'est inouï, Elle a le meilleur et le plus grand air du monde, jointe à une convenance et une mesure admirable. Enfin, que voulez-vous que je vous dise, marquis ? Ajouta naïvement et consciencieusement Madame de Senneterre. Elle est née, duchesse, voilà tout. Et que pensez-vous du fiancé de Mademoiselle de Beauménil, l'ami intime, le frère d'armes de Gérald ? Vous me mettez à une rude épreuve, marquis, répondit Madame de Senneterre en étouffant un soupir. Mais je suis obligé de convenir qu'il est charmant et d'une tournure parfaitement distinguée. Il n'y a vraiment presque aucune différence entre ce monsieur et un homme de notre société. Savez-vous que c'est incroyable comme ces classes-là se débourrent, se décrassent ? Ah, marquis, marquis, je ne sais pas où nous allons. Nous allons signer les contrats, ma chère duchesse, mais je vous en supplie, ajouta le bossu en parlant tout à fait bas à Madame de Senneterre. Pas un mot qui puisse faire soupçonner à l'ami de Gérald que cette pauvre petite fille en robe de mousseline de laine, c'est Mademoiselle de Beauménil. Soyez tranquille, marquis. Quoique ceci me paraisse inconcevable, je me tairai. Ai-je manqué de discrétion au sujet de l'adoption d'Herminie ? Mon fils l'ignore encore. Mais il va pourtant falloir que ces mystères s'éclaircissent à la lecture des contrats qui va avoir lieu. Ceci me regarde, ma chère duchesse, dit le bossu. Tout ce que je vous demande, c'est de me garder le secret jusqu'à ce que je vous autorise à parler. C'est convenu. Quittant alors Madame de Senneterre, qui alla s'asseoir avec sa fille auprès d'Herminie, le bossu rejoignit le notaire, qui paraissait relire attentivement les deux contrats. Il lui fit à voix basse quelques dernières recommandations que le garde-note accueillit avec un sourire d'intelligence. Après quoi le marquis dit à haute voix « Nous pouvons, je crois, entendre la lecture des contrats. » « Sans doute, » reprit Madame de Senneterre. Les différents acteurs de cette scène étaient placés ainsi. Herminie et Ernestine, assises l'une à côté de l'autre, avaient, la première à sa droite, Madame et Mademoiselle de Senneterre, la seconde à sa gauche, Madame l'aînée, qui jouait son rôle muet d'une façon très convenable. Debout, derrière Herminie et Ernestine, se tenaient Olivier, Gérald, le commandant Bernard et le baron de la Roche-Aiguë, dont la présence à cette réunion étonnait singulièrement Olivier et lui causait une vague inquiétude, quoiqu'il fût toujours bien loin de se douter qu'Ernestine la brodeuse et Mademoiselle de Beauménil ne fussent qu'une seule et même personne. Monsieur de Maillefort était resté à l'extrémité de la chambre, assis à côté du notaire qui, prenant un de ses actes, dit au bossu « Nous allons commencer, si vous le voulez bien, monsieur le marquis, par le contrat de monsieur le duc de Senneterre. » « Certainement, » dit le bossu en souriant. Mademoiselle Herminie est l'aînée de Mademoiselle Ernestine, on lui doit cet honneur. Le notaire, s'inclinant légèrement devant ses auditeurs, se disposait donc à lire le contrat de mariage d'Herminie lorsque M. de la Roche-Aiguë se leva, prit une pause des plus parlementaires et dit gravement « Je demanderai à l'honorable assistance la permission de présenter quelques observations avant la lecture du contrat. »